sais que t'es galère, tu t'es sur les loyers. On dit que la révolte permet d'être écouté. Seulement on se rend bien compte, c'est toujours la même chose.